Ouais, ça enregistre? Allez, ouais, t'inquiète. Il était pompier avant. Bah, il y a un incendie. On attend qu'il pleuve. Bon, on attend qu'il pleuve. Allez, et c'est parti. Il s'agit du flow de Cast. Oui! Avignon! Bonjour, bonsoir et bienvenue au Flow de Cast, un épisode en public pour les auditeurs, je ne sais pas si vous avez remarqué. Comme à l'accoutumée tout de même si nous sommes à Frames à Avignon dans ce magnifique festival, que je remercie d'ailleurs d'accueillir cet épisode. Donc on a, comme à l'accoutumée, des invités avec nous. La première, si le Roi Lion était l'histoire de la vie de ma première invitée, c'est l'histoire. Sa chaîne, c'est une autre histoire, parle d'histoire, qui se passe dans l'histoire. Il n'y a aucun synonyme au mot histoire, ce qui fait que cette intro est déjà pas dingue. C'est la meilleure prof, car elle ne nous assomme pas avec des termes relous comme le tiers-état, les mérovingiens ou Hugues Capet. C'est Manon Bril. Bonsoir. Ça marche? Ouais. Docteur Dre a dit de lui, le gonze me fume, sérieux, zizi caca, mais où est-ce qu'il va chercher ses délires, smokeweed everyday, je suis Docteur Dre. Il n'a toujours pas été invité dans le code et n'a jamais tourné de Skyroulette, c'est une joie de l'accueillir dans le podcast pour la première fois. Il est compositeur, podcasteur, mais aussi romancier, car il vient de sortir un livre policier qui s'appelle « En fait, c'était le jardinier » qu'on ne vous spoilera pas. C'est Chronomusique. Il est tellement une icône à Avignon que le pape François a dit de lui « Franchement, quand je viens ici, balèque de Jésus, je veux juste voir le gars des étranges escales. » Molière, a pour sa part prononcé ces mots « Quand je viens ici, je m'en branle du théâtre comparé à l'instigateur de la veillée. » Emmanuel Macron, qui est là d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, lui-même a tenu à s'exprimer « Plutôt faire sauter leur putain de pont que de me priver du gars d'Axolotl. » Il est auteur, vidéaste, journaliste, sa voix c'est du beurre chaud, c'est Patrick Beau. Partout dans la rue, les gens parlent de lui. Les filles sont nues et se jettent sur lui. Elles l'admirent, elles le tuent, elles s'arrachent sa vertu. C'est un sniper, il snipe pour les copains. Il fait des tubes et puis encule son chien, cule son chien, c'est Adrien Méniel. Bon, tout merci est, beaucoup. Tout est vrai, sauf le truc avec le chien. Il n'y a pas de preuve, mais... C'est... Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que déjà, vous passez un bon festival à Frames? C'est la fin, là, on peut le dire aux gens. On arrive à la fin du week-end, quasiment. C'était très bien, Patrick est là. C'était très bien. Non, c'était très cool. Patrick, toi, tu as fait un live Arte, je crois, qui s'est passé du feu de Dieu. Oui, excellent. C'est-à-dire que... C'est ironique, on a fait... hein. Oui, alors, on a fait un live aux Chênes Noires avec Arte. Et puis, progressivement, les micros ont commencé à nous lâcher les uns derrière les autres. Et puis, on entendait des voix dans la salle, des gens se disaient bonjour. Et puis, il y a des images qui devaient partir derrière nous, qui ne partaient pas. Et moi, j'avais vraiment l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. Et intérieurement, c'était assez jubilatoire. Je me suis régalé pendant ce live. Tu avais une petite pipe, comme ça. Fait, oui, à la fin du monde, oui. Bon. Et je regardais le monde brûler. Et à la fin de... Tu es le Joker pour moi. Voilà. À la fin de cette émission, on a appris qu'il y avait donc ce congrès de la République en marche à Avignon. Oui, alors voilà, il faut expliquer aux gens. Les planètes s'alignent, j'ai envie de dire. Absolument. Et donc, tous les agents de sécurité de la Macronie étaient présents. Et ils discutaient avec leur talkie-walkie. Ils occupaient toutes les fréquences, ce qui fait que les HF donc, ont lâché. Et c'est eux qu'on entendait dans la salle qui disaient t'es où, tu me captes. Ouais. Et voilà. Emmanuel, donc, il fait caca ou quoi? C'est fou. Ouais. Absolument. C'est un grand moment de télévision. Voilà. Ben oui, c'est tombé pile au même moment que ce congrès. Et du coup, il y a 3-4 personnes qui, je crois, sont plantées. Et donc, on va vous laisser partir. C'est pas ici. Voilà, c'est pas ici. Écoutez, c'est un floodcast un peu comme d'habitude. Je l'ai dit en début d'émission. Et comme d'habitude, je lance ce jingle que le monde entier nous envie, le jingle des news du floodcast. Les news du floodcast. C'est là où je me dis que c'est bien de mixer les jingles. Tu vois, quand c'est devant des gens, c'est vraiment une catastrophe. Les news du podcast qui vont être un petit peu particulières, parce qu'elles vont porter sur trois sujets en hommage à nos invités. Il y aura des news sur Avignon, en hommage à Frames et Patrick, voilà. À l'histoire de France, en hommage à Manon, bien sûr. Et aux Zizi. Tu vas me mettre en difficulté, c'est bien ça. Bien sûr, voilà. De ridiculiser, c'est le but d'aujourd'hui. Et aux Zizi et aux Caca, en hommage à Chrono. Merci. Et on sort un petit peu de notre zone de confort avec Adrien. Mais la première question se passe à Avignon. En 2020, l'école primaire de la Triade, je cache un peu mon ordi pour pas que Manon triche, l'école primaire de la Triade a interdit une pratique auquel s'adonnaient non pas les élèves, mais leurs parents. À votre avis, de quoi s'agit-il? Sachant que si nos invités ne trouvent pas la réponse au bout de... Calmos, je t'ai vu. On a quelqu'un dans le public qui a lancé sa main. Si nos invités ne trouvent pas, oui, quelqu'un du public pourra répondre à la place de nos invités, mais il en va de leur honneur. Est-ce que tu peux répéter si j'écoutais pas trop? Bien sûr. L'école primaire de la Triade, qui est à Avignon. Il y a des gens qui viennent d'ici ou pas? Ouais, la Triade. L'école de la Triade a interdit une pratique auquel s'adonnaient non pas les élèves, mais les parents. Et à votre avis, quelle était cette pratique? C'est là qu'il y a les trucs de caca, non? Alors, pas encore, Avignon, là. J'ai totalement la réponse, donc je ne vais pas la donner. Exactement. Oh d'accord. Là là, il a l'amour du jeu. Mais ça va être marrant. Si quelqu'un la trouve, j'ai hâte de voir. Est-ce que ça a un rapport avec Internet? Ça n'a pas de rapport avec Internet. Est-ce que c'est le jeu du foulard? Déjà, on va éliminer ça tout de suite. Jouer au POG. Généralement, c'est la pratique qui est bannie dans les écoles. Donc c'est pas ça. Non, mais là, c'est les parents, donc c'est vraiment glauque. C'est-à-dire qu'ils prennent des gosses et ils les étranglent comme ça. Non, non, ce n'est pas le jeu du foulard. Un truc de sexe, du coup? Alors, c'est des élèves, hein. Donc, l'école primaire. C'est les parents qui s'adonnaient. Ah oui, mais il y a quand même les élèves un peu. Ah, les élèves sont impliqués. Sont impliqués, donc ce n'est pas sexuel. Alors, ils sont déguisés? Non, pas se déguiser. Est-ce que c'est lié à l'école elle-même? Enfin, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils faisaient dans l'enceinte ou autour de l'école? Eh ben, tu crois pas si bien dire, c'est un peu les deux. Je croyais très bien dire. Tu croyais autour. Non. Franchement, repense-y, tu croyais pas trop bien dire. J'ai pas entendu ta réponse, tu dis que ça n'est... C'est un peu les deux, justement. Ils organisaient des combats d'enfants à la sortie? On s'approche dangereusement, Patrick. Hein, ils faisaient des cache-cache? Non, non. Des battles de breakdance? C'est pas un jeu, t'as dit quoi? Des battles de breakdance? Non, pas de battles de breakdance. C'est quelque chose qui mettait les enfants en compétition? Pas du tout, mais qui les mettait en danger. Ah, du jeté d'enfants? Très bonne réponse, Adrien Meyer. Mon Dieu! Je le disais vraiment comme une blague, mais non. La vie est une blague. Je suis depuis... Joker. Depuis mi-septembre, l'établissement a affiché des dessins informatifs à ce sujet, à côté de son portail. On peut y lire « Quand je suis en retard, je reviens à 10h ou 15h. Je ne lance pas mes enfants par-dessus le portail. » Des parents qui arrivaient après la sonnerie jetaient littéralement leur enfant. C'est une réinfo, hein, c'est la Provence. Est-ce qu'on a la hauteur du portail? T'as dit quoi? La hauteur du portail. 16 mètres. 16 mètres, c'est énorme. Mais bien joué de leur part, cela dit. À Avignon, on essaie d'en faire une discipline olympique. Donc, peut-être au prochain JO. Mais c'était genre, c'était fermé, ils soulevaient les poser de l'autre côté parce que c'est fermé ou... Exactement. En fait, les parents qui arrivent en retard, et en même temps, c'est dur d'être parent, d'accord? Donc, on peut jeter ses gosses. C'est ce que j'allais dire. Franchement, ça va. Et vu qu'ils arrivaient en retard, il y avait un truc de non. Et du coup, ils jetaient le gosse par-dessus le portail. C'est Sena Median, la directrice de l'école, qui a dit qu'elle veut quand même être rassurante. Elle a dit aucun enfant n'a été blessé par cette initiative imprudente, quoique originale, effectivement, de ses parents. Oui. Ça n'est pas arrivé tant de fois que ça, mais pour le peu que c'est arrivé, on préfère prendre les devants. C'est quand même arrivé plus d'une fois, ce qui est quand même assez dingue. J'ai une question histoire. Connaissez-vous l'origine du mot « hockey » Et ce n'est pas Christian Clavier, bien sûr. Zéro kill ou un truc comme ça? Oh, alors est-ce que tu as un petit peu plus à offrir plus au monde? C'est quoi? Non, je sais plus. Zéro kill. C'est un truc d'une guerre où il n'y a pas eu de mort ou... Exactement, écoute putain. Est-ce que c'est un truc faux comme l'origine du mot fuck ou pas? C'est ce que j'avais questionné ensuite. Fuck. C'est quoi l'origine du mot fuck? Fornicating under the control of the king, qui est sans doute faux totalement. Alors moi j'ai une autre légende urbaine. Désolé, sur le doigt d'honneur. C'est l'ambiance. Parce que les archers. Ouais. Mais tout ça, on dit que c'est vraiment des légendes urbaines, ouais. C'est pas ces explications. Mais quelles sont tes sources? Ah bah alors mes sources sont rien. Voilà, bon bah. Mes sources sont Google. Mais quelle est l'histoire? Quelle est la réponse? Bah l'histoire, alors selon eux, le terme hockey vient de la guerre de sécession. Tous les jours, l'état-major nordiste compilait le nombre de pertes par secteur dans un registre en indiquant le nombre de tués à côté d'un cas pour killed, ce qui donnait 25K, 12K, ce que prend d'ailleurs Patrick pour chaque OP. Les bons jours dans les bons secteurs sont ceux que où on n'avait aucun mort, soit 0K, devenu par la suite OK, Jacouille la fripouille. Zizi, maintenant. Ah. Bah, on est au palais des papes. Un homme a réussi à échapper à une course-poursuite en voiture. À votre avis, comment? Alors, il a Grâce à son zizi, il a montré ses parties génitales. Alors, d'une certaine façon, mais c'est pas la réponse que j'attends. Il a indiqué avec son pénis qu'il allait tourner à gauche et en fait, il a tourné à droite. À un mètre des vélos. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, il a échappé à une course poursuite. C'est-à-dire, il était dans une course poursuite et il a échappé à ses poursuivants. À ses poursuivants qui sont la police, la marée de chaussée. Ils sont la police, d'accord. La police, ça se passe aux States, à Doweltown, si ça peut vous aider. Bien sûr que non. Est-ce qu'ils sont passés à côté de quelqu'un qui était en train de s'exhiber et du coup ils sont plutôt occupés de cette personne-là et pas de... Oh non, mais c'est, ça, ça aurait été stylé. Mais c'est il pas a ça. Utilisé son propre sexe Le sexe d'une tierce personne. Non, non, c'est son propre sexe qui a été utilisé pour l'opération. Est-ce que le mec a tranché son zizi et l'a jeté par la fenêtre pour faire diversion? Eh bien, tranché son zizi, oui, oui, oui, oui. Non. Je peux te le dire. Quoi? J'allais dire, Patrick, il t'arrive des idées bien saugrenues avec tout ce que incroyable. Tu vois. Mais putain, eh bien, Patrick, non. T'es un porc, rien à voir. Non, oui, c'est une très bonne réponse. Alors, ouais. Il a pas que... Oui, bah quoi? Eh bah oui. Vous savez, la police, des fois, elle stresse, hein, donc voilà. Il a arraché son pénis et l'a jeté sur la police. Non, mais quoi? Eh bah ouais. Les gilets jaunes, ça marche qu'une fois, du coup. Ça marche une fois, ouais. Non, tu peux le rattraper, enfin le ramasser, oui, le relancer. Tu mais peux bon. Le garder. Et donc, ouais. C'est une loi. Si le mec est un lézard, éventuellement, peut-être tu peux le retenter. Un reptilien, mais... probablement. Mais il y a une loi que les flics disent: ah non, désolé, il n'a plus de pénis, on n'a plus le droit de. Désolé, demi-tour, les mecs, on rentre à la caserne. C'est pas des pompiers, mais je me suis trompé de mot. Le commissariat. Au commissariat. Oui. Non, mais je suis à cap, c'est pour ça que je sais pas. Oui, les termes te passent au-dessus, toi, t'en as rien à faire. Alors, c'est une situation, le journal qui donne l'anecdote dit « c'est totalement impensable ». C'est pourtant ce qui s'est produit fin août aux États-Unis quand les policiers ont remarqué un individu garé sur l'autoroute. Une fois repéré, l'individu a pris la fuite. Et c'est lors de la course-poursuite que ce dernier parviendra à se sectionner le pénis. Alors, l'anecdote ne dit pas comment, ce qui, moi, m'intéresse. L'allume-cigare, pour moi. Ou la vitre, peut-être. Ouais. Non, mais avec les automatiques, ça redescend. Oh, ah, quoi oh. Oh. Et c'est le podcast, il y en a encore 4-5, hein, je vous préviens quand même. Et bien pire. Bah, y a le caca qui arrive normalement. Oui, normalement, on va y arriver tout doucement. Donc les policiers parviendront ensuite à l'intercepter, mais surpris de voir l'individu nu et couvert de sang, ils ne réussiront pas à l'interpeller. Ce dernier prendra à nouveau la fuite. Ah, un homme réussi à l'attraper, il s'est re-enfui ouais, après. À la manière de Roff, il est déterminé, je peux vous le dire, parce que vraiment... Et c'est finalement, et en voiture, il se prendra une herse qui immobilisera le véhicule, et l'individu sera trop... Le mot tout, herse, tout ça le pour ça. Herse. Tout ça pour ça, c'est quand même super dommage de la chute est triste, d'être ouais. Arraché ton zizi pour après te manger. On ne sait pas si la personne a récupéré son zizi par la suite. Je crois que son zizi vit dans un village dans le Middle West. Il a refait sa vie et il part à Acapulco actuellement. Non, mais l'individu a été transporté à l'hôpital. Il leur a expliqué avoir entendu des voix à la radio. Il lui disant... demandait quelle était la pathologie. Bien sûr, c'était peut-être Francky Vincent. Tu veux mon zizi? Oui, oui, oui, oui. Il a. Vous avez déjà été témoin, vous, de comportements un peu fous sur la route, alors pas à ce point, j'imagine. Vous n'avez pas vu de tub voler? Non, peu, non. Assez peu. Assez peu. Non, mais vous avez déjà été témoin d'un accident, un truc? Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un accident qui s'est... Enfin, donc tout va bien. Bien et... fini, ouais. Voilà. Mais, donc, on était en Uber, et voilà, ça fait un camion qui déboîte devant nous sur le périph' parisien et tout. Petit enchaînement de voitures qui se rentrent dedans, etc. Ouais. Bon. Ouais, un peu le truc un peu secouant, mais tout le monde va bien et tout. Il y a des gens qui saignent un peu et tout, mais tout le monde va bien. Bref, on sort du truc, de la voiture, on met tout en place, ce qu'il faut mettre en place et tout. On appelle la police et les pompiers. Et, à la caserne la à police la caserne. De la caserne et bien les sûr. Pompiers du commissariat. Et en fait, donc j'étais avec Maxime et il revient et il me dit, enfin moi je m'étais mise un peu plus loin. L'humoriste Maxime Busca, n'est-ce pas? Et je m'étais mise un peu plus loin et j'étais un peu sonnée et il revient et il me dit, il y a un des flics qui m'a dit que notre chauffeur de Uber était fiché S, mais il faut surtout pas le dire qu'on sait. Pas dans les commentaires. Pas à ses collègues et tout parce que c'est une info. Confidentiel et je sais pas quoi. Pourquoi le dire alors du coup? On peut le dire dans un podcast par contre. Ouais. Il a dit. Et une blague. Le dites pas à vos enfin le dites pas que je vous ai dit ça en gros parce que je pense qu'il était pas censé nous donner l'info mais il nous l'a donné pour je ne sais pas quelle raison pas pour professionnelle. Le buzz. C'est pour le buzz. Un peu de type je pense comme votre numéro est dans l'appli et votre adresse ouais. Et machin bon on vous prévient je sais pas quoi. Donc déjà on s'est pris un accident ensuite ouais. Enfin tu sais déjà t'es un peu sonné j'étais là what. Cela dit, il avait 0,2 étoiles et les commentaires disaient « terroriste. Non, pas du tout. Non, non, très bien, il était, non, non, il était absolument agréable et j'avais une bonne note. T'as proposé de l'eau ? Je pense que malheureusement, c'est pas ça qu'on décèle des terroristes. Bref, et donc voilà, donc on a un peu éclaté et finalement, la dépanneuse, enfin, c'est le gars de la dépanneuse qui nous sort du périph, alors que normalement, c'est les flics aussi, enfin, de A à Z, c'était trop bizarre, donc on s'installe dans la dépanneuse pour partir. Il claque la porte, il s'installe, il fait alors, il était fiché S, votre chauffeur et tout. On fait ok, donc personne n'a gardé ce secret en fait. Et il nous dit, et vous savez que le mec de devant, il avait pas de permis. Et ben en fait, les flics l'ont laissé repartir. Je sais là. Mais très bien, faisons comme ça et tout. Et voilà. Et donc on est rentré à pied après. Voilà une petite anecdote d'accident. Très belle histoire. Très belle anecdote. J'adore. Moi, fiché S, je pars tout de suite. Je suis ravi. Quelle personnalité a été graffée par un street artiste. Une anecdote, mais ok. Pardon. Allez. Ah vas-y, dis-nous. Une fois, j'ai pris une voiture. J'ai fait une bosse avec. Ah ouais, incroyable. Mais direct ? Non, mais non, pas spécial. Au bout d'un moment normal. Ouais. Okay. Un temps normal. Chamé. Voilà. Ah là là. On peut l'applaudir. Mais vraie histoire. Et quand j'étais petit, moi j'ai grandi dans la street. Oui, bien sûr. Et oui, on vient de la même street d'ailleurs. J'ai pas entendu la phrase. Vis dans la street. Dans la street. Oui, bien sûr. Moi, j'ai grandi oui. dans la street. Je n'y vis plus maintenant. Pas la même, mais... Oui, non, c'est ça. Mais le matin, je me levais très tôt pour prendre le bus, vers 5h45, un truc comme ça. Ça a bien changé aujourd'hui. Et le matin, devant mon arrêt de bus, c'était le point de départ de course, parce qu'il y avait 4 fans de tuning dans ma ville qui venaient, et c'est le point de départ, c'était l'arrêt de bus du bus que je prenais le matin. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des types qui débarquaient avec des gros néons sous leur caisse, et avant que mon bus arrive, je voyais toujours des types faire... à 4h du mat, enfin 5h du mat. 5h45 Putain. Plus ou moins, ils allaient faire des trucs. Et, puis, et la moitié était fichée S. Ça s'est arrêté au bout de 2 mois, je pense. Ils ont dû arrêter. Voilà. C'était Charleroi. Ah, mais oui, bien sûr. Charleroi. Quelle personnalité a été graffée. Alors là, on parle d'Avignon. A été graffée par un street artiste nommé Lector, on le salue. Et quelle position particulière adopte cette personnalité? Alors, est-ce que la position, c'est le signe de Jules? Oh là là, il est fort. C'est ça? C'est ça. En fait, je crois que tu connais trop bien Flaubert et je crois que tu connais trop bien Florent et t'anticipes tous les types d'anecdotes qu'il va trouver. Là, il faut encore trouver la personnalité. Bah, c'est un politique, j'imagine. Alors, c'est pas vraiment un politique. Ah. Ouais. C'est pas un politique. Personnalité télévisuelle ? Non, mais Bigard. On l'a vu beaucoup à la télé. Ce n'est pas Bigard. Ah, on le voit beaucoup à la télé ? On l'a vu un petit peu, à un moment. Lalanne ? Non. Lalanne provoque toujours des rires, hein, c'est fou. Comme le mot Hers, qui est hilarant, apparemment. Alors, Lalanne qui se prend à une herse, bon là, c'était négocié. J'ai des larmes de rire, prends-moi. tu as dit, il n'est pas politique, mais tu as un peu hésité, donc c'est quelqu'un qui quand même s'exprime sur son... Sur des sujets de société. Plutôt... Un journaliste, peut-être. Non. Pas du tout journaliste. Mais on l'a beaucoup entendu donner son avis. Voilà. Sur le Covid, par exemple ? Entre autres. Sardou ? Pas Sardou. Raoult ? Un chanteur ? Ce n'est pas un chanteur. T'as dit quoi ? Raoult ? Très bonne réponse de Manon Bril. Professeur Raoult. Manon essaie de faire le signe de Jules, elle a 57 ans. Je suis jeune. On dit Gen Z maintenant, Adrien, pour la rêve des jeunes, pas millénial. Ça, c'est déjà trop vieux, tu vois. Bravo la zone. Je suis sur TikTok. Alors, d'ailleurs, en parlant de Jules, Chrono, tu as une histoire, toi, avec Jules, que tu as plus ou moins pris sa place le temps d'un morceau. Est-ce que tu peux un petit peu raconter aux gens ? Selon Téléfoot, tu es Jules. On peut le dire déjà. On peut le dire. En fait, il y a une news qui a tourné à un moment, qui était une espèce de non-news où je ne sais plus c'était quel magazine de foot qui disait. C'est L'Équipe, non ? Je crois que c'était L'Équipe. Je crois que c'était Foot Mag. Jules est très chaud pour faire l'hymne des Bleus, etc. Il disait si on me demande de faire l'hymne, je le fais direct. J'y vais en cabrant. Voilà, en cabrant, disait-il. Et je me suis dit, viens, on va essayer, pardon, bonsoir, on va essayer de faire ce à quoi ça ressemblerait. Et j'ai fait ça, ça s'appelait « Allez les Bleus, on va gagner le foot ». Une merveille. Si je peux me permettre. C'est mon chef-d'œuvre à l'heure actuelle, c'est ma Joconde. Et Téléfoot a cru que c'était vraiment... En fait, Jules l'a reposté en story et il a dit « Voici mon hymne ». Ah oui, c'est ça. Téléfoot l'a pris au premier degré et ils ont dit c'est Jules qui a fait ça. Bravo à lui, c'est très entraînant. Et moi, je suis validé par Téléfoot que demande le peuple. C'est trop bien. Mais t'as dû être deg que la France perde si vite parce que sinon, ça aurait fait un peu. J'aurais fait de la méga moula. Ouais, c'est ça. Tu serais pas avec dégoûté. Nous, en fait. Oui, j'étais complètement avec vous parce que je suis belge, il faut le savoir. Mais j'étais complètement pour la France. J'ai pleuré le soir de la défaite. Oh. Et puis après, j'ai fait allez les Suisses, on va gagner le foot. Et puis j'ai fait l'Italie. Et t'as repleuré. Oui, j'ai repleuré tout de suite et puis j'ai enchaîné, quoi. Sans transition, oui. Un homme a dû aller aux urgences au Sri Lanka car il avait coincé son pénis. Et oui, on n'est plus à Avignon. Eh oui. A coincé son pénis, à votre avis, dans quoi ? Un appareil électroménager ? Non. Au Sri Lanka ? Ça se passe au Sri Lanka. Alors, le pays ne donne pas vraiment d'indication. Il ne l'a pas coincé dans le Dalai Lama ou je ne sais pas quoi. Non. Il l'a coincé dans un objet. C'est un peu... Oui, bah quoi ? Osé ? Pas dingue. Oui, bah écoutez, c'est de l'impro. Un objet de décoration ? Non. Un touriste, hein, tu dis. C'est un homme, tout simplement, qui a dû aller aux urgences au Sri Lanka. Je ne sais pas si c'est un touriste. Est-ce que c'est un objet qu'on trouve chez soi ? On peut le trouver chez soi. On peut. Ah, on peut c'est pas commun, quoi. Oh, si, c'est commun. Genre c'est pas un aspirateur. Si. Oh. Non, c'est pas un aspirateur. Ah. Mais c'est. Non. Ça, c'est banal, j'en parlerai pas ici. Voilà, trop facile, je me suis dit. Ouais. Il ne l'a pas fait, ça. Oui, voilà. Non, c'est un objet commun. Ok. Un appareil électrique ? Non. Un truc de cuisine ? Pas un truc de cuisine, mais c'est quelque chose qu'on peut trouver dans la cuisine. Donc pas principalement dans la cuisine ? Dans un tiroir ? Un tiroir ? Pas dans un tiroir. Okay. Ce serait un tout petit truc, mais oui, non, c'est pas dans un tiroir. Okay. Mais est-ce que c'est un objet qui contient un orifice, déjà ? Alors oui. J'espère pour lui. D'accord. Oui. À moins qu'il ait creusé lui-même. Je me suis dit peut-être que c'est plus technique que ce qu'on croit, donc il y a un orifice. Non, c'est assez... La réponse va tous vous décevoir, attention. Attends, est-ce que c'est un aliment ? Ce n'est pas un aliment. C'est pas un légume, c'est pas un truc... un chien. Non. On va arrêter ce running gag, je suis désolé. Ça... Il y a de plus en plus de rire. Non mais personne m'envoie de DM pour faire la blague, donc tout va bien. Question, est-ce que... Je suis Émeric Laporte. Est-ce qu'on peut trouver l'objet dans toutes les pièces de la maison, potentiellement ? Ah oui. Ah, d'accord. Potentiellement. Ah, mais une serrure ? Non. Une prise ? Ah non, t'as dit pas un objet électrique. Une prise ? Non, pas une prise. Sinon, quelle horreur le poids. Est-ce que c'est un objet mobile qu'on peut tenir dans la main ? Il tient dans la main, mobile, on peut le déplacer, c'est ça que je veux dire. On peut le déplacer facilement. D'ailleurs, c'est un objet qui est assez utile pour... non, j'allais vous donner la réponse. La vraiment, réponse. Je m'en rends compte. Ouais. C'est un trou de serrure. Pardon. Comment ? Un trou de serrure ? Non, pas un trou de serrure. Pas un trou de serrure, non, un peu plus grand. Quelque chose qui est là dans votre champ de vision, je ne peux pas vous dire mieux. Un masque ? Alors, non. Ce gars ? Non. Désolé. Dans une canette. Comment ? Dans une canette. Pas dans une canette. Et un orifice. Une bouteille. Dans une bouteille. Très bien. Pas... Une chose sur deux. Ah, mais c'est à vous deux. C'est très classique. Patrick a dit c'est très classique. Oui, c'est même encore plus c'est classique que l'aspirateur. C'est assez classique, non ? Oui. Patrick est déçu. Ouais. C'est le niveau 1. Ça ressemble à une vaginette, voilà. Oui, alors ça a moins bien fini qu'une vaginette, puisque les médecins du Kuala Institute of Health Sciences ont expliqué que son pénis était devenu extrêmement gonflé en raison du manque de circulation sanguine. Pourquoi ? Parce qu'il avait laissé son pénis 2 mois dans la bouteille. Pardon ? Oh là là ! Ah oui ! Waouh, beaucoup de questions, Ouais. Comment c'est il fait pipi, la scène comment de fin ça se passe dans les bronzés fonds du ski, c'est avec le truc comment il gonfle à l'intérieur. Quel était son objectif du coup ? Grossir son zizi alors. Non, je pense que c'est la honte. La bouteille, oui. Mais pas pendant 2 mois, il voulait avoir. Mais non, mais un non, c'est, oui. Je pense que c'est la honte. Il s'est dit peut-être qu'au bout d'un moment elle va ressortir et puis il s'est dit bon bah là au bout de 2 mois c'est foutu quoi. Mais j'imagine, enfin je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Il s'est pipi là. Ça peut être un message peut-être pour tous les gens qui procrastinent. Ouais. Faites-le direct. Non, mais il a essayé de s'en sortir. C'est ça, moi, que je trouve assez génial. Alors, il n'a quand même... De se la sortir. Le malheureux n'a pas souhaité expliquer comment son pénis s'est retrouvé. C'est mon fils, il n'y a aucun problème. C'est très jeune pour assister à ce podcast. Oui. C'est mini très, très jeune. C'est très, très jeune. Oui, mais c'est le fils de Patrick, donc ça va. C'est vrai. Donc oui, pour faciliter sa mobilité, l'homme avait quand même découpé le goulot de la bouteille. Ah mais malgré ça, il a pas. C'est fou. Ouais. C'est une bouteille en plastique donc. Ouais, c'est une bouteille en plastique. En oui, en verre, c'était avec une ponceuse. Non, c'était vraiment avec une bouteille en plastique. Très peu dégourdi. Ouais. très fort en travaux pratiques. mais il n'avait pas réussi à extirper son pénis. Pour l'en libérer, les équipes de l'hôpital se sont servies d'une pince coupante. Voilà. Okay. Bah donc oui, Le pénis n'est pas tombé au bout du compte. Non, non, le pénis va bien. Alors, j'ai pas de ces nouvelles, mais le... Parce que j'ai cru qu'il avait jeté sur la police du Sri Lanka. Non, non, il l'a laissé dans une bouteille. Voilà. À l'abri, j'ai envie de te dire. On passe à l'histoire. Savez-vous pourquoi on appelle un programme informatique un bug? Alors, moi, je sais. Ah, tu sais? Oh là là. La tech, facile. C'est quand même mon rayon. Donc. C'est vrai que c'est la tech. Je sais aussi. Ah bah non, mais répondez, attendez, il n'y a pas de problème. On dit... c'est de l'histoire, c'est ça, ça peut jouer. J'ai envie de dire que je sais, je vais faire genre. Tant pis un truc. Ça a un rapport avec l'anglais insecte? Ah oui, c'est complètement lié à ça. Bah, c'est tout ce que je peux dire. C'est genre une petite bête qui s'insinue dans le truc ou... Ah oui, c'est la bonne réponse. Alors Patrick, est-ce que t'as l'histoire précise? C'était l'époque où les ordinateurs occupaient une pièce entière. Et puis donc un jour, il y a un petit cafard, une petite bestiole qui s'est effectivement coincée dans un circuit. Et ça a fait planter le système. Ah oui. Ouais. Depuis, on parle de bug. Parce que c'est littéralement un bug. On en apprend des choses quand même dans ce podcast. Faut pas mettre sa bite dans des bouteilles. Et... L'origine de bug. L'origine du mot bug. Retournons à Avignon. Qu'ont trouvé les commerçants du pont des Deux Eaux? Vous voyez ce que c'est? B2O, je connais, mais... B2O. Je crois que c'est en hommage. Hein. Ça se trouve à l'West Side d'Avignon. C'est joli. Un album de Booba. Voilà, après... Non, elle était bien. Non, ben bah, voilà. C'est une blague de rap, quoi, au final. Voilà. Toi aussi, t'es Chronos très street. Ouais, je suis très street. Qu'ont trouvé les commerçants du pont des Deux Eaux à 5h45 l'année dernière? Cette histoire se passe en 2020. Alors, attends. Sur le pont, les commerçants ont trouvé quelque chose? Non, au pont des Deux Eaux, qui est le nom d'un centre commercial à Avignon. Ouais. Ils ont trouvé quelque chose dans le centre. Plutôt quelqu'un. Quelqu'un. Ouais. Personne déguisée? Pas déguisée. Nu? Plutôt nu. Plutôt nu. Évidemment. Une personne célèbre? Pas célèbre. Lalanne? Non. célèbre nu à Avignon, on en aurait entendu parler, je pense. Ils ont trouvé. Est-ce qu'il y a une fontaine, par exemple, où la personne pouvait se baigner nue? Non, non. On parle de 5h45 du matin. Oui, bon, enfin, il y a pas d'heure pour se baigner. A priori. Donc une personne bourrée. Pas de quelqu'un de bourré, pas du tout. La personne était parfaitement sobre. Mais d'accord. Mais et volontairement à poil ou alors peut-être il y a eu un petit. Alors l'histoire. Un petit court-circuit, un petit bug. Un petit bug dans la matrice. Non, l'histoire ne le dit pas, mais en tout cas, elle était à poil devant ce centre commercial. Donc une femme. Comment? Ah non, elle. T'as dit elle pour la non, personne. Non, c'est il, c'est la personne. Ah, ouais, c'est la personne. Un shooting photo? Pas un shooting photo. Une vidéo YouTube? Tu veux dire un prank par exemple? Par exemple. Ou alors non. Je me laisse enfermer dans un centre commercial, mais je suis à poil. En plus. Alors c'est pas ça. Est-ce qu'il y a des gens du public qui ont entendu parler de cette histoire ou pas du tout? Vous connaissez pas votre vie. Ah, il y a eu un oui? Vous montrez 6 personnes différentes. Ouais. En face. Ah, oui, mais faut que t'es dans le micro, sinon les auditeurs n'entendent pas ta réponse. C'est pas quelqu'un qui regardait des films porno à poil? Pas du tout. Ah. Mais une autre histoire qu'on peut... C'est une autre histoire? Ça, par contre, c'est une autre histoire. Ouais, abonne-toi. Non, c'est pas quelqu'un qui regardait des films porno là-bas. Oh là là, mais vous êtes voilà. À 1000 km de la table. Ton esprit est allé là et voilà. Allez, on se pose des questions du coup. Le podcast, une émission sportive. Voilà. Oh là là. Si la personne n'a pas la bonne réponse, c'est vraiment terrible. Bah nous on t'entend plus en tout cas, je sais pas vous, mais j'ai rien. Plus. Mais j'entends rien depuis le début moi. Alors parle bien distinctement au micro. Est-ce que c'est un enfant? C'est un enfant qui arrive. Wow. Ça devient flippant. C'est un enfant que les parents avaient jeté trop fort. Ouais, voilà. Ils ont raté l'école et voilà. Laissez les enfants tranquilles, putain. Alors c'est la Provence qui nous raconte cette histoire. 5h45 hier matin, comme tous les jours, c'est bien, c'est raconté un peu comme une histoire. Un enfant à poil a été retrouvé. Le débitant de tabac du centre commercial du Pont des Deux Eaux embauchait tôt pour ouvrir le tabac presse du quartier. Ça fait drôle d'arriver au travail et de voir un enfant en train de se promener tout nu. Oui. J'imagine. Quel âge? Il avait 3 ans. Ah, tout petit. Oula. Ah oui, oui. Non, non, attends, 2 secondes. Pardon. Au commerçant, ce petit garçon a expliqué qu'il s'appelait Mowgli et qu'il voulait un tigre. Non, je vous jure, non, non. Non, mais là, qu'est-ce que c'est que ce... Si, si. Et il disait, ok, c'était la guerre de sécession. Non, je vous jure, tout est vrai. Non, le commerçant et Anaïs, qui travaillent également au tabac presse, ont alors fait entrer le bambin et alerté les policiers. Rapidement sur place, les hommes de la caserne. Bon, il est là, il est là. On prit soin du petit dont les parents n'ont pas tardé à se manifester. Très éveillé pour son âge. En même temps, pas tant, il voulait un tigre à Avignon. Mais ça, c'est vrai, il a vraiment dit je m'appelle Mowgli et je veux un tigre. Apparemment, ouais, ouais, apparemment. Qu'est-ce que c'est que ce gosse fantasque? Bah, si, mais il a, bah, il a déjà, dû il arrive dans son délire. Ouais, il arrive à se barrer de chez lui à 5h du mat, donc déjà, il est très fort. Bah, le plus fou, c'est qu'il y avait quand même un ours qui dansait dans le centre commercial. Ouais, ça. En tout cas, il n'a fait aucune mauvaise rencontre en chemin, et ses parents ont rapidement pu récupérer leur enfant, qui, pour la petite histoire, ne s'appelait pas véritablement Mowgli. Merci, la Provence. Ah, donc un menteur. Prendre vraiment pour des cons. Les parents ont dû se sentir très très bien. Mais grave, attends, mais l'enfant s'est enfui de chez lui. Ouais. Il est allé dans le centre commercial par ses propres moyens. Il voulait acheter des clopes, hein, visiblement, ouais. Bah, au tabac presse. Mais ça arrive des histoires comme ça, hein, d'enfants qui se barrent. Enfin, je me souviens d'une histoire d'un fait divers d'un petit avec son vélo sur l'autoroute qui dit qu'il chasse les étoiles et tout. Juste, il est dans son délire et puis, pour mille raisons, il a échappé à la surveillance parentale. Oh, il a ton petit. Mmh. Un enfant fantasque, en tout cas. Oui, voilà, il se raconte. Mais moi aussi, des je m'étais barré de chez moi et c'était un commerçant qui m'avait. Après, moi, mes parents m'ont eu très tôt, hein, attention. Hein. Ouais. Et du coup, c'est un commerçant du bas qui a dit écoutez, votre enfant, c'est... moi j'avais 4-5 ans et je m'étais barré de. Voilà, j'avais échappé à la surveillance de mes parents. Ton père a dit je jouais du djembé, j'ai pas entendu sortir. J'écoutais du percu baba à fond et. Je n'ai pas 4 personnes ont percu baba, mais c'est pas grave, on est ensemble. Le nom était drôle. Ouais. Histoire et Avignon, donc là ça se mélange un petit peu. Cas de particulier, le tableau Les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Alors, c'est la probablement revient très vite, des meufs violées qu'il a représentées ou un truc comme ça. Non, parce que non, non, non. C'est ça... le credo de Picasso. Non. Si. Alors, ça, je sais pas, peut-être, mais... Un épisode arrive sur ça mercredi, je dis ça, je dis rien. Sur Picasso? Oui, sur Picasso, la sombre merde qui était Picasso. L'épisode s'appelle Picasso égale grosse merde, pour de vrai. Putain, la cancel c'est le titre Picasso. C'est le titre de la vidéo, ça. Mais t'es pas prêt, hein. Ah t'es ouais pas prêt. Ah oui. Alors, je sais pas si c'est ta réponse, hein, mais en tout cas, ce qu'on peut dire sur le tableau, c'est que les demoiselles d'Avignon ne sont pas du tout à Avignon dans le tableau. C'est une très bonne réponse. Wow. C'est une très bonne réponse. C'est... Bravo. C'était un fond vert. C'est une rue, si je ne m'abuse, une rue en Espagne, une rue de Madrid. Ah, bah oui, c'est ça. La rue à Barcelone, c'est. Barcelone, et il y a la rue d'Avignon, donc harceleur et mytho, bah super. Et donc voilà, ça s'appelle les demoiselles d'Avignon, mais ça n'a strictement rien à voir avec Avignon. Comme le pont d'Avignon qui est dans le vent. Comment, pardon ? Et ça aurait pu être deux meufs qu'il a rencontrées là-bas. Ouais. Et elle lui a dit hey, on vient d'Avignon. Et elle a dit bah, je vais vous peindre, tout de go. Bah, c'est pas, l'histoire ne raconte pas c'est ça. C'est authentique, vous pouvez vérifier, c'est vrai. Hein. C'est dans tous les bouquins. Le bouquin. En Histoire et Avignon, toujours, en 1967, un salon de coiffure a sauvé la représentation d'une pièce de théâtre en plein festival d'Avignon. À votre avis, comment ? Une histoire de perruque ? Pas d'une histoire de perruque, mais ça aurait été très chouette, mais c'est pas ça. Donc, ils ont coupé les cheveux en urgence de quelqu'un ? Non. La barbe ? Non, pas du tout. Tu peux répéter la question ? Je loupe toujours le début et après... Oui, je suis là. Non, c'est en 1967, un salon de coiffure a sauvé la représentation d'une pièce de théâtre en plein festival d'Avignon. Okay. Et à votre avis, comment ? Pensez à ce qu'utilisent des coiffeurs. Des peignes ? Très bonne. Non, ils avaient besoin de... Donc, ils avaient besoin d'un accessoire ? Alors, c'est pas un accessoire dont ils avaient besoin. Ils avaient besoin d'un jeu de mots avec le mot tif. Et C'est vrai que si les pièces de théâtre d'Avignon au off et les salons de coiffure ont un point commun, c'est cet amour des jeux de mots. C'est vrai, c'est ça les rejoint pas mal. Mais non, ce n'est pas la bonne réponse. C'est quelque chose de tangible, de concret, de physique. T'as compris que tangible, je l'avais pas vraiment, mais ouais, de concret, ouais. Quoi, mais genre de l'eau, du shampoing Non, c'est vraiment un accessoire qui est dans un salon de coiffure. Tu as dit que c'était un pas miroir. Un accessoire ou je rêve Oui, non, moi j'ai vraiment rêvé. Non, ils n'en ont pas eu besoin comme un accessoire. La pièce de théâtre n'a pas eu besoin de cet objet comme un accessoire pour leur pièce. C'est moins clair qu'avant la question. C'est... Ouais. Est-ce que Il s'est passé quelque chose pendant cette pièce de théâtre. Je vais même vous dire quoi. Il y a eu une inondation. Et les coiffeurs ont pu aider, à votre avis, comment ? Avec un sèche-cheveux ? Tous les salons de coiffure ont donné les sèche-cheveux au théâtre pour sécher les sièges. Et ben, c'est Avignon, mon pote, c'est la fraternité, c'est ça aussi qui est magnifique. C'est beau. Avignon ! Donc. Une grosse averse est venue imbiber d'eau les strapontins rouges des gradins et afin de ne pas gêner les spectateurs qui devaient arriver quelques heures plus tard pour la représentation, les comédiens se sont rendus chez les coiffeurs de la ville pour emprunter tous les sèches-cheveux et sécher les sièges un à un. La fin est marrante puisque malgré tous ces efforts, ce fut un fiasco. certains spectateurs ont tout de même, sont tout de même repartis avec la marque rouge des strapontins. Voilà, voilà. Mais c'était quand même, quelle belle histoire. Essayer de s'associer pour échouer la vie, au final. Alors, c'est la dernière. Et alors, elle, bon, c'est donc Zizi, évidemment, et elle est un peu corsée. Si je peux me permettre, il n'y a pas eu de caca du tout. T'as dit zizi caca, il n'y a pas eu une... Enfin, c'est vrai, j'ai menti. Je suis Picasso, en fait. Ouais. J'ai menti. Non, mais celle-là, elle est un petit peu corsée. Voilà, je préviens. Je sais qu'il y a un enfant de 6 mois dans la salle. Celle-là, elle est un peu vénère. Au Texas, un homme a été soigné par ses troubles qui ont été actés pardon, comme première mondiale. C'est-à-dire que dans l'histoire de la médecine, c'est du jamais vu. Jamais vu, pardon. À votre avis, quelle anomalie très surprenante était la sienne? Attends, c'était... Il a tout plein de zizi. Il a quoi? Tout plein de zizi. Non, c'est pas ça. Attends, un trouble physique? Physique. Il a un zizi à la place du nez. C'est, pour c'est, moi possible, hein, c'est possible, c'est possible. Tu me regardes, mais c'est possible. Alors, ce n'est pas ça. Ou c'est un rapport avec son zizi? Ah bah alors oui. Ça n'a pas un rapport avec Avignon. Attends, il a été soigné... c'est un homme adulte? Oui. Donc, c'est pas un truc avec lequel il est... C'est un truc avec lequel il est né? Non. Donc c'est un truc qui s'est déclaré qui s'est déclaré, qu'adulte. Je peux même vous le dire, après, alors je ne vous donnerai pas la porteur. Une partie de jambes en l'air. Pardon? Non, une partie de jambes en l'air. Mais dis donc, vous êtes coquin méniel. Oui. Non, c'est, je ne peux pas vous dire la teneur de l'accident, mais c'est après un accident. Voilà, ça a déclenché un truc chez lui qu'il n'a pas vu tout de suite. Et avec le temps, il s'est dit, oh ben oui, c'est pas... Il a perdu ses fonctions motrices pendant qu'il était au volant. Et quand il a fait un scanner, il a découvert qu'il avait un zizi fossilisé dans son cerveau. Waouh, pile dedans. C'est incroyable. Et qu'il était fiché, c'est vraiment terrible. Non, alors ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il a pas eu d'accident de... Un accident sexuel, enfin. Non, pas d'accident sexuel. D'une peau, non, mais peut-être coquin. Mais c'est une malformation ou c'est un autre... C'est un truc pour parler un peu. Une entorse pénienne, une sorte d'entorse pénienne, quelque chose comme ça. Non, bah c'est oui, c'est exactement ça. En fait, c'est un truc dans son corps qui s'est passé, qui a un peu changé la donne de certains trucs. Je suis très flou, mais sinon je vous donne vraiment la réponse. Et du coup, il est devenu, bah voilà, c'est une première dans l'histoire de... Il a eu une, genre une infection, une maladie qui a changé quelque chose biologiquement chez lui. Je peux vous dire, il a consommé de la cocaïne. Est-ce que... Voilà, qui a déclenché un truc chez lui. Oh, le même. Est-ce que c'est lié à des fluides corporels? C'est... Tu parles du sperme? Ça épouse les fluides corporels. Ça a changé son sperme? Alors, je crois que Patrick a peut-être un truc. Est-ce que le mec... Son sperme est devenu du Red Bull, pardon. Est-ce qu'il éjacule autre chose que du sperme, par exemple? Je crois qu'on s'approche dangereusement. Est-ce qu'il éjacule en permanence? Alors, il n'éjacule pas en permanence, mais Patrick est très... Alors, Patrick n'est pas loin du tout. Si tu étais un enfant qui cherchait un cadeau, je dirais tu chauffes. Sauf que là, on parle de sperme. Est-ce qu'il éjacule du pu, tout simplement? Alors... Arrêtez! Il y a ton gosse dans la salle, putain! C'est clair! Je m'attendais pas à c'est dire le cette dernier espace de liberté ici! Mais tu chauffes encore! Mais cela dit, tu t'approches du cadeau, tu chauffes encore! Tu es presque! Est-ce qu'il éjacule du pipi? Non, non, mais vous vous approchez dangereusement! Donc, un autre fluide corporel? On n'est pas loin, tu avais dit pipi, mais ce n'est pas ça! On n'est pas loin! Une autre sécrétion corporelle? Du sang? Ce n'est pas du sang! Des larmes? Non! C'est beau, du ça, caca. C'est moi. Ça c'est ouais, c'est ouais. Moi, c'est moi. J'éjacule des larmes. Peut-être. C'est un film de Tim Burton. Peut-être du caca. Oh wow! Zizi Caca Mixtape 2021. Il fait un feat le mec, c'est sûr. Faut que tu l'aimes maintenant ce gars. Je l'aime. Déjà, j'aimerais rappeler qu'on est au Palais des Papes et c'est toujours un bonheur d'aborder ces sujets. Probablement très douloureux, non? Alors, enfin, je sais pas, j'ai pas de zizi. Mais... Non, non, mais alors j'irais même plus loin. Non seulement il éjaculait du caca. Non, mais c'est pas possible. Mais... Est-ce que ce sera le titre de l'émission? Parce que vraiment, tu il peux faire plus, là. Est-ce que tu as trouvé cette news sur chronomusique.fr? Oui, ce sera le titre. Ce sera pas, alors les demoiselles d'Avignon n'habitaient pas à Avignon. Non, c'est pas ça. Les éjacs faciales, là, c'est autre chose, quoi. C'est vrai. Bah là, faut, je devais le placer. Non, c'est un défi qu'on m'avait mis. J'ai dit, ça va être trop facile. Jacques Fécal. Oh oui. Ouh. Voilà, on a le titre. Jacques Fécal. Rapport au caca. Je devais le placer. Je leur ai dit, ça va être beaucoup trop facile au flou de casse à placer. Et Jacques Facial, évidemment. Non, mais parce que là, vous ne parlez que de la première face de la pièce. Parce que si on la retourne, il y a quoi? Oh non, il chiait du sperme. Il chiait du sperme, oh, évidemment. Eh bien oui. Eh ben oui! Bah appelons un chat un chat. Attends deux secondes, comment c'est possible? Bigger et Cancel, il y a une place à prendre, on est là, on est ici. Mais moi... ça veut dire quoi là, les tuyaux ils se sont raccordés? Non, autrement c'est comme parce Ikea, qu'il a pris de la coque. C'est Ikea, j'ai... t'as mis le côté blanc de l'autre côté, voilà, du coup t'as le bois qui est apparent. Le mec a pris de la coke et il a éjaculé du caca. Ouais. Ça n'a... Non. C'est la meilleure campagne. C'est n'importe quoi. Coke. Oui, c'est clair, voilà, on dirait vraiment un truc de... Je prenais pas la coke parce que c'est le prochain livre de Beck BD. Non, ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est une condition que maintenant il est comme ça? Maintenant, c'est arrivé juste maintenant, il est comme ça. C'est une attraction à Disneyland, tu payes 20 euros. Venez voir l'homme qui chie du sperme et qui éjacule de la merde. Alors non, des médecins texans. Ça, c'est le puits du fou que tu faisais par c'est contre. C'est le puits du fou. Je vous raconte quand même cette histoire qui, est, bon, qui peut endormir des gosses, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas. Des médecins texans ont été confrontés à un cas très étrange selon une étude publiée dans le journal de médecine Curuse. Une source en plus, carrément. Selon ces médecins, un homme originaire du Texas se plaignait d'évacuer une quantité substantielle d'urine et de sperme via l'anus. Ah, donc ouais, j'ai pas dû l'urine, je suis passé outre cette petite info, je m'étais dit bon. A l'inverse, il retrouvait parfois des matières fécales dans son urine, rapporte la presse britannique. Après avoir éjaculé et uriné de l'anus et déféqué du pénis pendant 2 ans... Il procrastine encore plus que le mec avec la bouteille, lui. Mais bon, écoute, ça fait 2 ans que j'éjacule du caca, je vais peut-être faire quelque chose. Appeler un médecin, peut-être. Bah là, pour le coup, tu le tapes dans Doctissimo, les gens disent... Quoi? Pardon? Non. Arrête! Arrête! Donc, ce Texan... Chronomusique, arrête de poster sur ce site, s'il te plaît, ça suffit. Ce Texan, âgé de 33 ans, l'âge du Christ, a fait... On salue les papes. Commentaire indispensable. A finalement décidé de consulter un médecin, oui. Les médecins ont finalement diagnostiqué qu'il était porteur d'une fistule recto-urétale. Ah oui, donc ça fait une 80 porosité ouais. Entre les... Oui. T'as l'air de beaucoup savoir. En ouais, ouais. Et j'ai un frère infirmier, j'ai un frère infirmier. Bien sûr. Et qui éjacule du sperme. Mais en hobby, je crois, en hobby plus. Oui, ouais. C'est-à-dire qu'il y a... C'est-à-dire... Il y avait une communication entre l'urètre et le rectum et d'une fistule colovésicale, donc il avait les deux. La chance. Après interrogatoire, le mot interrogatoire, les médecins ont découvert que le patient avait été dans le coma durant 3 semaines, il y a 2 ans, à cause de sa consommation de drogue, notamment de cocaïne. Les docteurs de l'époque lui avaient alors placé une sonde vésicale, mais ont probablement mal fait leur travail. Oui, probablement. Je crois que Pixar est sur l'adaptation. Ouais, c'est... Merci. C'est In and Out 2. Alors, il s'appellera En Bas plutôt. Alors bon, une histoire qui quand même finit bien, comme tous les Pixar justement, comme je disais. Il vit désormais, le patient a pu être opéré à nouveau, il vit désormais normalement, malgré une légère baisse de volume d'éjaculation. Et je me dis, cet homme avait vraiment, il avait envie de parler quoi, visiblement. Il éjacule moins, mais il éjacule du sperme. Du sperme. Et on peut l'applaudir, je pense. Bravo. On a un petit jeu qu'on va faire rapidement. Est-ce que vous connaissez le jeu des films qui baisent ensemble? Oui. Alors pour les auditeurs, peut-être Adrien, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est le jeu des films qui baisent ensemble? Oui, je peux. Alors, mais sinon, expliquons directement le jeu qu'on va faire, non? Oui, bien sûr. Voilà, en fait, bah. Non, mais c'est encore plus simple à expliquer. C'est-à-dire bien que... sûr, prends le contrôle, sans prix. Non, c'est un jeu où en fait, Florent et moi allons faire des imitations, mais... un inédit, hein, des imitations ouais, ici. Ouais, ouais. Et non, et des imitations avec un propos, donc avec la voix de quelqu'un, avec le propos de quelqu'un d'autre. Et la réponse est un mash-up entre le nom des deux personnes. Exactement. Voilà. Ça va devenir beaucoup plus clair. On va vous faire un premier exemple. On va vous faire un premier exemple. Adrien, est-ce que tu veux que je commence, peut-être? Vas-y, oui. Voilà, je vais commencer. Si je vous... Alors attention, l'imitation que vous allez vous prendre est un jet de talent. Hein. Je tenais... Non, mais que vous le sachiez. Donc... Par l'anus. Comme par l'anus. Un jet de quoi? Cela dit, le résultat va être similaire. Donc, je vais vous faire cette imitation. Par exemple, si je vous fais... Écoutez, monsieur le cabache, je suis une légende du rock'n'roll, d'accord? La chauve-souris, je lui mange la tête. J'ai le groupe de rock, j'ai plus ou moins inventé le métal. Hop. Attends, on ne souffle pas, pour s'il vous plaît. Et si vous ne trouvez pas, je vous tendrai le micro et vous gagnerez toute mon affection. Et Dieu sait que c'est pas énorme. Alors, est-ce que les invités ont... Est-ce que tu peux peut-être la refaire? Je la refais... Ah bah, attends... J'espère pour la bonne bouche. Hein. Attendez, je rajoute un truc visuel qui va vous aider. Écoutez, monsieur Cabache. Ouais, j'ai vu quand tout le faire, ça va. Florent bouche son épaule pour les auditeurs. Écoutez, monsieur El Kabash, je suis une légende du rock'n'roll, d'accord ? La chauve-souris, je lui mange la tête. J'ai un groupe de rock, j'ai plus ou moins inventé le métal. Ah, je crois que Patrick là. Nicolas Sarkozy Osborne. Oui, bravo, félicitations. Adrien ? Alors, je vais en tenter un. Trouvez vite, je vous en supplie. Bois un peu d'eau. Mal à la gorge. Oh là. Day-Lewis. Wesh le sang, wesh la Honda, mes sons tournent à la jonque, tu m'as trahi, mais t'es un bon gars. Je suis en fumette, mais je me trompe pas, ça fait 2 ans que je nique le game. T'oses me demander comment je m'appelle, je vous demande une chose, laissez tranquille. Okay. Alors, est-ce que vous l'avez ? Alors. Chrono, tu l'as ou pas ? Patrick, tu l'as ? Manon, non ? Putain. Moi, je connais aucune star, il faut savoir, donc je suis très mauvaise. J'ai un des deux, bien ouais. sûr, qui est un copain. Mon imitation, tu n'as pas trouvé, ça veut dire. En fait, ton imitation, je vois qui je suis censé trouver. Mais je n'ai aucune culture musicale, donc je ne sais pas. Ah, alors, Patrick, attends. Tu l'as, toi ? Bah, c'est très clairement Julien Clerc. Julien Clerc ! Bien sûr, et bien sûr. Sinon, tu as juste dit le nom du gars. Bah, l'imitation était parfaite. Merci. Vraiment, tu Merci. Maîtrises le jeu. T'en redis-le parce que les gens applaudissaient, on n'a pas entendu. J'ai dit que l'imitation était parfaite, Merci. Vraiment. Tu veux dire que mon Sarko ne l'était pas ? Si, bien sûr. Je tombe de très haut. Avec l'épaule, c'était. L'épaule, c'était parfait. Alors j'en ai un. Bon, allez. De toute façon, le cinéma s'éloigne. De toute façon, laissons-le partir. Alors, bonsoir. Je suis le magnifique, je suis l'animal, je suis à bout de souffle, tac tac badaboum, je fais une roulade, je suis sur le métro, je marche sur le métro, tac tac badaboum. Dans le public, est-ce que des gens l'ont sans dire la réponse ? Est-ce que des gens pensent l'avoir ? Ah, ça lève la main là-bas, attendez, ici. Je le dis pour les auditeurs, il n'y a que des gens qui haussent les épaules, genre, peut-être, ouais. Mais alors, vraiment. Est-ce que c'est Belmondo Land ? Pas du tout. Mais t'as une partie de la réponse. T'as une partie de la réponse. Ah, tu vois, il est très chaud. Belmondo Mirabel ? C'est pas vraiment le jeu de mots. C'est Jean-Paul Mirabel Mondo. Oui. Bien sûr. On en a plus que deux, hein, je vous rassure. Alors, Adrien. Alors, celui-là, il est dur. Je vais vous demander toute votre clémence. Le mec, je vais regarder son historique. Je vais voir que des packs et des luxes à tous les coups. C'est impossible en fait qu'il soit monté sans abuse. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Michel Sardoche. Alors, je crois que Chrono a la réponse. C'est Michel Sardoche. Michel Sardoche, bien sûr. Bravo à toi, c'était... Comment J'utilise beaucoup ce mot, mais là, faut vraiment que tu comprennes. Comment? C'est légendaire. Merci beaucoup. Légendaire. Let's go, let's gong, j'ai envie de dire. Let's gong. Let's gong. Masterclass, parce que c'est un mot de streamer, voilà. Je tente. Je crois qu'on arrive à la fin de l'émission, donc on va pas. C'est con, parce qu'on avait quand même du François Orlando Bloom, du Hakim Jemili de Paris, du Louis de Funès Reg. Bon, bref, avançons. On a combien de temps encore, amis de l'organisation ? 25 minutes, ça va. On a quelques questions pour nos amis invités, puisque nous avons dit aux gens qu'ils étaient conviés. Je vais prendre des questions que des gens nous ont laissées sur Internet et je vais prendre une ou deux questions du public. Donc réfléchissez à vos meilleures questions pour nos invités. Et c'est les invités qui vont vous poser des questions à vous. Donc c'est, aussi, c'est à un particulier. Moment. Trop bien. Une question pour Chronomusique. Est-ce que tu peux... Alors, tu n'es pas obligé, mais est-ce que tu as déjà Le les invités... Quoi ? Tu n'es pas obligé, mais si tu refuses, c'est gênant. Non. On te demande quels invités de la Zizi Kaka mixtape tu peux nous dévoiler, mais si ce n'est pas le cas, est-ce que tu as déjà tous les invités ou est-ce que tu es encore en recherche, en recrutement ? Déjà, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est la Zizi Caca Mixtape pour les gens peut-être qui ne savent pas? Il y a des gens qui ne savent pas. Ouais, très peu. C'est une mixtape légendaire, avec des invités légendaires, qui devraient sortir dans pas très longtemps. Et je ne peux pas vous révéler la liste des guests parce qu'elle est légendaire. Donc il va falloir travailler pour obtenir cette liste de guests. Et c'était quoi l'autre question? Est-ce que tu as tout le monde? Est-ce que j'ai tout le monde? Non. Pas encore. Non. On a encore quelques objectifs très bien à accomplir. Thomas Pesquet. Dont le mec qui éjacule si du caca. Ouais, notamment. La liste s'allonge notamment, chaque jour. Notamment. Oui. Tu nous dis, on a 2-3 histoires de gars qui ont des problèmes avec leur tub. Donc tu nous dis, on t'envoie les mails. Je suis très chaud. J'ai une question pour Patrick. Tu es grand amateur, et c'est vrai, d'étrangeté et d'endroits un peu insolites. Est-ce que parfois, pour tes étranges escales, tu es allé à des... La question me fait rire, pardon. Tu es allé à des endroits et tu as fait... Oh, c'est décevant. Et tu l'as... Et tu ne l'as pas mis. Alors, je ne te demande pas des noms, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? C'est arrivé, et c'est une anecdote que j'ai racontée tout à l'heure, d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là dans la salle? Voilà. Oui, on était à Nice, et on était avec Cyprien, à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et il était très décevant, c'est actuel. Cyprien était exceptionnel, mais à l'Office de tourisme de Nice, on nous avait dit que dans l'enceinte de l'Observatoire, il y avait une plante endémique, vraiment. C'est une dame de l'Office de tourisme qui m'a dit « Cette fleur ne pousse que là, donc vous pouvez pas rater ça. » Donc je fais même pas de recherche, je lui fais confiance. C'était un géranium. On va tourner dans l'Observatoire, etc. On fait tous les plans qu'il nous faut. Et je préférais attendre la fin de la journée pour faire la fleur. Et puis donc, il y avait un botaniste qui était là, uniquement pour ça, qui a passé l'après-midi avec nous, qui a patiemment attendu. C'était mon rêve, la fin, et ça me fait rire, pardon. Une fois qu'on a fait nos plans dans l'Observatoire, je vais vers le gars, et je lui dis, ouais, donc, alors cette fleur, elle est vraiment endémique comme ça, elle est unique, elle est que dans le parc. Et le mec me dit, c'est Provence, Provence. Je lui dis, mais... c'est-à-dire que... Il me dit, oui, Provence, même Italie, un peu. Donc là, je sais que la séquence ne sera pas gardée, clairement, mais par politesse, puisque le mec a passé l'après-midi là, je me dis, on va quand même aller voir la fleur, si ça se trouve, elle est spectaculaire, je m'imagine un truc façon Belle au bois dormant, donc on y va quand même. Et là, il nous conduit jusqu'à une espèce de carré, comme ça, délimité par une ficelle dans le gazon, et vraiment, moi, je ne vois pas de fleur, et si il nous l'avait pas dit, j'aurais marché dessus. Et là, il s'agenouille, et effectivement, on voit une espèce de brin d'herbe, avec 2 pétales dessus, comme ça, il nous dit, voilà, c'est cette fleur... Et donc là, vraiment, cette fois-ci, je suis certain que ça ne sera pas gardé au montage. Et t'as toujours les rushs? Bien sûr. Okay. J'ai montré quelques images tout à l'heure. Oh. Et donc, Cyprien... piétine. qui est formidable, essaie vraiment de faire dire quelque chose d'un peu étonnant au mec, en disant, mais elle est un peu rare, non, quand même, cette fleur? Et le mec, qui était extrêmement honnête, dit, non, pas tant, vraiment... Pas très rare. C'est une mauvaise herbe, tout simplement. Et là, moi, je sens le fou rire qui commence à monter en moi, vraiment. Et je vois que Gilles, qui est en train de prendre le son à la perche comme ça, vraiment, il ne veut pas me regarder. Et là, donc, j'éclate de rire, vraiment. Et je sens une petite panique dans le regard du monsieur, qui ne comprend pas ce qui se passe. Et je lui dis, écoutez, vraiment, on nous a vendu ça, on nous a dit, elle ne pousse que dans le parc. Et donc, clairement, non. Il me dit, oui, non, c'est vrai, je sais qu'elle n'est pas... C'est pas si fou, mais bon voilà, je l'aime bien, ma petite fleur, etc. Donc, on va peut-être quand même le laisser dans le making-of, parce que le monsieur était très gentil, mais là, petite déception, j'avoue. Oui, oui. Pas mentir. Mais c'est pour ta nouvelle émission, Escale décevante, je crois. Exactement. Escale pas ouf. Absolument. Manon, tu as lancé des dessins animés sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu aurais une envie de faire de l'animation peut-être plus longue, sur des histoires, en tout cas une série peut-être avec des épisodes plus longs, peut-être encore plus ambitieux, sachant que ça l'est déjà, puisque on peut peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent et qui sont là, faire de l'animation sur YouTube, c'est vraiment une folie. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Eh ben oui, j'adorerais qu'ils soient plus longs. Ils font 3 minutes actuellement pour la simple et bonne raison que c'est tout ce qu'on peut payer. Car c'est très très cher de faire de l'animation. Là, l'équipe, au début, il n'y avait que Lucie, donc la dessinatrice, et moi qui faisions tout ensemble. Enfin, c'est-à-dire, moi, je faisais évidemment l'écriture et montage, et voilà. Et elle faisait toute l'anime. Et après, elle m'a dit, je suis épuisée. Embauchons des gens. C'est pour ça que maintenant, on a plus de placements de produits, etc., pour payer tout ça. Et maintenant, elles sont 5. Donc, enfin, il y a une équipe de 5. Donc, il y a du monde là-dessus. Et en fait, avec le budget qu'on a pour l'instant, on ne peut pas faire plus que 3 minutes parce que, enfin, ou alors il faudra en sortir un de 6 minutes tous les 2 mois ou un truc comme ça, mais elles ne sont pas assez nombreuses pour produire assez pour que ça soit quand même un rendez-vous mensuel, ce à quoi je tiens. Bref, donc écoutez, si vous voulez voir des épisodes plus longs, parce que je le vois à chaque épisode, j'ai un commentaire, enfin plein de commentaires qui disent « Ah, c'était très court, nanana ouais. » Et t'es là, mais les gars, vous êtes mignons, c'est un taf de malade et tout. Donnez un max d'argent sur Tipeee, si vous voulez. Réal. Sur YouTube, bien sûr, Manon. Pardon, c'est vrai. Ah, j'ai le réflexe encore. Pas de galère. Un petit bip, voilà, les gens. Tournons sur YouTube, ouais, carrément. Bref, non, bah, les réflexes. Et donc, la minute d'animation, je pense qu'on est à 1500, 2000 euros le coût de, ouais. que ça fait. Donc, enfin, vraiment, c'est en effet pas les 1500 euros qu'il y a encore sur mon YouTube, car je ne l'ai pas fermé. Ouais. Sur mon Tipeee, je ne l'ai pas fermé, puisque j'ai besoin de cet argent. Donc, ouais, bien sûr. Mais bref, donc il faut y aller. Donc, oui, il y a des placements de produits. Et ça t'intéresserait d'aller vers, je ne sais pas, des chaînes de télé ou des trucs comme ça? En tout cas, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé, peut-être? On a déjà discuté vite fait une fois avec... Enfin, Lucie avait discuté avec des gens chez Bobby Peace qui font donc... parce qu'elle y a travaillé et tout, qui font Pipoudou et compagnie. Et en fait, le truc, c'est que dès que tu veux donner à un diffuseur, enfin, faire avec un diffuseur, il y a plein de contraintes autres, c'est-à-dire ils vont déjà mettre la main dans ton bébé, ce qui n'est pas facile à lâcher. Et puis, il faut que ça dure beaucoup plus longtemps, enfin, c'est des durées très précises. Nous, on fait en gros 3 minutes, mais ça peut être 2,58 en fonction de mon texte, enfin voilà quoi. Bref, donc c'est pas mal de contraintes et des trucs à démarcher, mais on y réfléchit. Maintenant, je travaille aussi avec une agente, donc on réfléchit à comment faire pour pérenniser la série, parce qu'en gros, là, ce qui se passe actuellement, c'est que je demande le CNC pour la financer. On fait des placements de produits pour la financer parce que juste le CNC suffit pas, puisque donc, c'est vraiment très cher. Bref. Et en fait, tous les 6 mois, je serre les fesses, les dents, les doigts, tout ce que vous voulez pour que le CNC soit reconduit. Mais à chaque fois, je ne sais pas si la série va durer plus longtemps parce qu'il faut des sous pour faire ça. Donc on réfléchit à pourquoi pas se tourner vers des trucs comme ça pour pérenniser. Mais du coup, ça implique des trucs, tu sais, de droits. Bien sûr. Non, mais c'est un vrai travail. D'exclu aussi, de est-ce qu'on peut le publier toujours sur YouTube ou alors il faut juste que ça soit à la télé parce qu'ils veulent l'exclu. Enfin, bref. Ouais. Bon, voilà. Un travail titanesque. Chrono, comment s'est passée l'écriture de ton livre qui s'intitule, je le rappelle, en fait, c'était Le Jardinier. Comment s'est déroulée la collaboration entre toi et Popézy, c'est ça, Popézy, son nom? Oui, c'est Popézy. Tout à fait. Et comment vous êtes réparti le travail? Déjà, comment c'est venu cette histoire? C'est sur Twitch, non, que ça a commencé? Oui, tout à fait. Je le racontais tout à l'heure en aparté. En fait, j'ai deux copains qui s'appellent Pendrez et Renard, avec qui on fait la mixtape également. Il y en a un des deux, il s'appelle Pendrez, et souvent il dit venez, on fait des lives. Et Renard, il dit, oui, moi je dis, et puis il lance, et il dit, bon, j'ai lancé le live, on fait des trucs et tout, et on sait jamais quoi faire, et on s'est fait chier un petit quart d'heure, et puis après on s'est dit, tiens, on écrirait bien une fanfic sur Biflo et Oli. Ouais. Donc on a écrit une fanfic sur Biflo et Oli, qui s'appelle Biflo et Oli baise, qui fait 5 lignes. il y en a 3 volumes, il y a Biflo et Oli baise, Biflo et Oli baise 2. Et assez dommage. Ça aurait été plus beau. Et puis j'ai beaucoup rigolé en faisant ça avec eux. Et puis je me suis dit, tiens, ça me fait rire d'écrire des conneries sur Twitch et les gens participent et tout, c'est cool. Donc je me suis dit, bah tiens, écrivons un roman. Et c'était une idée que j'avais depuis que j'étais gamin. J'aimais trop l'idée que quelqu'un aille au rayon roman policier et qu'il tombe sur un roman où il y a le coupable sur le titre. Mais du coup, je voulais que ça existe, et du coup, je l'ai fait. Mais par contre, à la base, j'avais aucune intention de le publier. Ouais. Je comptais l'auto-éditer, en vendre 2 à moi et moi. Mais est-ce que pendant que tu l'écris, il fait combien de pages? 226. C'est vrai. Ah si, c'est réel. Mais parce que bon, tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'ai fait des imitations, et des fois, pendant que je le fais, je fais oui, bah c'était une mauvaise idée. Et est-ce que toi, pendant le truc, tu t'es dit, non, c'est bon, tout ça, ça mérite tout ce travail pour la vanne et tout. Est-ce que des fois, tu as eu envie d'abandonner ou non, justement, tu t'es dit, c'est ça qui va être génial? Mais moi, je trouve ça génial, c'est Andy Kaufman pour moi. Non, je ne juge jamais ce que je fais. Je ne juge jamais ce que je fais. Et puis, quand c'est fini, je fais autre chose. Donc, je ne sais toujours pas si c'est une bonne idée, mais on verra. Bah, je te le ramasse, du coup, peut-être, pour nous dire. Ah, ben, je t'en donnerai. J'en donnerai un. Je voulais en cacher dans les Jardiland. Et voilà. La rencontre avec Popézy, elle s'est faite sur Twitter. On se connaissait avant. Et en fait, c'est Popézy qui est venu me voir quand il a dit mais ton roman, c'est un vrai truc ou c'est une blague? Ce qui est la question qu'on me pose le plus en ce moment. Et je lui ai dit non. Et il m'a dit t'es chaud pour le faire éditer? J'ai dit oui. Et puis j'ai eu un call avec un éditeur. C'était très sérieux. On était sur Skype. Il était comme ça. Il disait on va en imprimer 3000. J'ai dit bah, vous allez en vendre 100, mais si vous voulez. Et puis finalement, ben voilà, la précommande depuis le premier, je pense, ça sort le 29. Bon, trop bien. Et voilà, c'était trop cool. Et Popézie, du coup, pardon, je prends extrêmement longtemps, je raconte ma vie, mais Popézie, il a fait donc la préface, les notes en bas de page, il fait semblant que c'est génial et tout ça, et il est trop cool, c'est lui qui m'a plugué avec tout et tout. Trop bien. Il fait beaucoup de trucs. En fait, ce pourquoi je l'ai connu sur Twitter, c'est que il mélange la culture classique et la pop culture. Donc typiquement, il va trouver des points communs entre un Jules et un Victor Hugo, ce genre de trucs, quoi. Stylé. Donc ouais, il est trop fort et c'est trop cool de travailler avec lui. C'est un bien grand garçon. Est-ce que dans le public vous avez des questions? Alors sachant qu'on pourra pas en prendre énormément, pas trop de questions, hein, j'ai l'impression. Hein. Oui, là, tu es debout là-bas. Du coup, ça m'effraie, mais j'arrive. Comment tu t'appelles? Raphaël. Enchanté, Raphaël. Quelle est ta question? Déjà dédicace au prophète Chaussande, qui a la main pisseuse, et je voulais demander. Avignon. Je voulais demander, est-ce que vous voyez encore faire le Floodcast à 70 ans? Ben, on a 70 ans, un peu. Moi, c'est bientôt, donc j'espère. Bah, vas-y, bon, je te laisse répondre, Adrien. Comment vas-y. La réponse? Bah, on espère que ça va durer le plus longtemps possible. Après, évidemment, si vous vieillissez en même temps que nous, ça devrait. Si, caca ouais. Alors, il a la bite dans un truc. Oui, bon, c'est vrai. Ce sera plus caca que zizi à cet âge-là, mais ouais, on espère continuer le plus longtemps possible. Je sais pas, jusqu'à ce qu'on se fasse la gueule et qu'on arrête. Je sais pas, mais bon, moi, je m'embrouille jamais avec les gens avec qui je travaille. T'inquiète, ça arrive jamais. Quelle est ta question? Voilà. Bonjour. Pardon, quel est ton prénom, bien sûr? Je m'appelle Lucas. Une dédicace? Lyon. L'animal, la ville, dans la ville. Ok. Tu tourneras la sky roulette après. Quelle est ta question? À quand le merch? Parce que je suis un Yankee et j'en achèterais bien. Ah, l'oseille. Vas-y, réponds. Non, parce que c'est toi qui es le plus riche des deux. On y réfléchit. On parle un peu à des gens en ce moment. L'idée, c'est de le faire bien et de pas le faire, floquer des trucs dégueulasses à l'arrache. Essayer de le vendre dans quelque chose d'un peu. Propre et bio et essayer de faire des prix pas trop chers. L'idée, c'est pas de s'enrichir de ouf. Pardon, fabriquer Adrien. Par des enfants, ce genre de choses. Ouais, voilà, c'est ça. On essaie d'éviter ça. Donc, on a déjà une ou deux idées de gens avec qui travailler. Mais voilà, l'idée, c'est de faire quelque chose de chouette, de faire. Je pense qu'on fera quelque chose où déjà on demandera qui on veut et que selon les commandes, on en fabriquera, pour pas avoir du surplus ou je ne sais quoi. Donc voilà. Donc on y pense tout doucement. On veut pas faire n'importe quoi. On veut pas faire tout de suite des trucs floqués. Genre c'est Black Mirror ou quoi. Non. On va essayer de faire un truc un peu joli et voilà un truc un peu chouette. Mais on y pense, on y travaille et voilà. C'est tout nouveau nous de penser à faire un peu d'argent avec le podcast. Donc on essaie d'y aller doucement. Déjà il y a de la pub. Donc le merch arrivera peut-être dans un second temps. Peut-être une dernière question. Donc qui doit être chambée du coup. Allez je retourne là-bas. Tu peux peut-être tendre ton micro Adrien le temps que j'arrive. C'est vrai que t'as le Covid, pardon, excuse-moi. J'avais oublié. Non, j'ai pas le Covid. Bonjour. Peut-être. Quel est ton prénom, bien sûr? Pierre. Enchanté, Pierre. Ma question, justement, c'était pour rebondir sur ce que tu disais là-bas. Le fait de pas faire d'argent, au début, c'était une démarche volontaire, un peu éthique, ou c'était... Oh non, tu sais, nous, l'éthique. Non, mais c'était juste parce que vous n'aviez pas l'opportunité, ou vous étiez, enfin, vous n'aviez pas les bons partenaires, etc. Bah, tu... Non, mais au départ, je pense qu'on n'y pensait pas parce que forcément, l'argent pourrit les gens, hein, comme on dit dans le rap. C'est pas un sentiment. Hein. Non, mais au début, de toute façon, on a vraiment. Enfin, tu as lancé le podcast de façon un peu spontanée. Et en plus, à l'époque, nous, on a créé le podcast. C'était pas du tout un business comme maintenant. Donc, nous, c'était vraiment juste on s'amuse. Et puis il y avait un peu ensuite une volonté de ne pas le faire parce qu'on voulait avoir un truc un peu solide et puis on voulait avoir une liberté de ton qui on pensait que peut-être la publicité pouvait nous mettre des bâtons dans les roues. Et puis quand on a été approché pour justement faire de la pub, on s'est dit, on a mis les choses au clair du genre on changera pas ce qu'on dit et on veut pas telle pub de trucs un peu craignos et tout. Donc ça s'est fait voilà, en accord avec ce qu'on voulait défendre et tout. Donc, mais au départ, oui, c'était d'abord parce qu'on n'y pensait pas du tout. Puis ensuite, parce que ce que je viens de dire juste avant, quoi. Voilà, je vais pas... Non, mais c'est vrai que la genèse au tout début du Floodcast, c'était on se voyait beaucoup avec Adrien à Golden Moustache, parce que c'était maintenant il y a 7 ans. Rendez-vous seulement compte, c'était il y a 7 ans. Et on se voyait pour écrire, pour travailler. Alors, c'était écrire des blagues, mais c'était quand même travailler. Et moi, à ce moment-là, je découvrais deux podcasts, à savoir un podcast de Kevin Smith qui s'appelait Smodcast et un autre de Dan Harmon qui s'appelait Harmontown. Je trouvais génial d'avoir accès à des créateurs dont j'aimais beaucoup le travail via du talk en fait. Et moi j'écoutais beaucoup la radio quand j'étais gamin, j'écoutais Manu Lévy, Arthur, Arthur et les Pirates à l'époque, et donc il m'appelait Grosse Tête, toujours un peu. Et du coup ça c'était une espèce d'espace de liberté dans ma tête qui me plaisait beaucoup, et du coup je me disais c'est cool, avec Adrien on va se voir et inviter des copains et juste on va parler de tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'au début il y avait des thèmes, c'est on parlait d'anecdotes perso, raconter un peu nos lives, et c'était assez cool. Et avec le temps on a invité plein de gens parce que c'est pour ça qu'au début c'était beaucoup les gens de Golden Moustache, et puis après selon là où on allait on rencontrait des nouvelles personnes, et donc du coup plein d'invités sont venus, mais sans vouloir faire les pirates justement, mais l'idée c'était, enfin c'est très récent, aujourd'hui on se dit pourquoi pas faire un peu d'argent, c'est juste pour défrayer les invités qu'on n'a jamais défrayés, pour pouvoir quoi, pardon, rien. Non mais voilà, défrayer les invités, pas payer de ma poche. En fait, faut savoir que le Floodcast jusqu'ici, tout était payé de ma poche, que ce soit le matériel, les Monster Munch, voilà, tout ça vient de ma poche. Et quand il y avait un bug et que le truc était pété, c'est moi qui le rachetais. Donc voilà, là on s'est dit, ce serait pas mal d'avoir une espèce de mini structure pour que, c'est dommage, vous êtes nombreux à écouter. Et d'ailleurs, ça fait très plaisir, et de voir aussi nombreux, c'est vraiment trop cool. Et de se dire mais c'est que des opportunités qui se sont proposées, et qu'on s'est dit pourquoi pas. Lorsque Antoine Piombinebino Bonono est venu nous voir pour le Bataclan, on s'est dit pourquoi pas, mais c'était vraiment juste un truc de trop cool, c'est un indé qui vient nous voir, donc on n'avait pas peur. Alors que lorsque c'était des grosses marques qui parfois nous proposaient d'autres choses, du coup on se sentait un petit peu moins en sécurité, donc on disait pardon. Ils nous disaient mais vous êtes des débiles, et on faisait sûrement un peu. Donc on est dans cette logique-là, on y va à tâtons, on fait des accidents. Là, du coup, récemment, je peux le dire, on a une pub pour l'armée de terre qui était passée dans un flotteur, on a fait « Pardon ? Quoi ?» Alors, nous, c'est que des bites dans des bouteilles, qu'est-ce que vous faites ? Cela dit, bref. Et donc du coup, on a tout de suite envoyé un message à Acast avec qui on travaille pour dire « Non, mais ça dégage », et tout de suite, ils ont fait « Oui, pardon, bref ». Donc on tâtonne un peu avec ce truc-là, mais l'envie, c'est de continuer. Ça va être la fin de ce podcast. On va tout de suite faire un dernier tour de table pour avoir votre actualité, un peu de chacun. Manon, on peut te retrouver toujours sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu as d'autres choses Figurez-vous que je me lance aussi dans l'expérience du podcast. Trop bien. J'ai un podcast qui vient de démarrer avec Alex Ramirez. On est en duo pour Spotify, donc exclu Spotify, mais gratuit. À chaque émission, on invite un historien ou une historienne qui vient nous parler d'histoire. Alex se prend en charge les questions grand public et ingénues. Et moi, je fais un peu le place-plat entre les deux. Et ça s'appelle Oh yeah. N'hésitez pas. Chouette expérience pour moi, nouvelle, et j'aime bien. Et là, c'est déjà en ligne ou ça va sortir? Actuellement, il y a un épisode en ligne, oui, et tu fais bien de me le dire. C'est un épisode tous les deux jeudis, donc deux épisodes par mois. Voilà. Et voilà, il y en a un déjà. Peut-être que du coup, le temps que ça sorte, ça sort. Des gens croient cri, il y en a deux. Bon, t'es au taquet, Manon. C'est bien, je comprends. Bah, mais voilà. Et donc, c'est Oye sur Spotify. Oye, voilà. Oye. Très bien. Et ta chaîne YouTube, toujours. Et la chaîne YouTube, c'est une autre avec histoire, une vidéo bien sûr. Sur Picasso qui sort Abonnez-vous cette semaine. Mercredi, un épisode sur la grosse poubelle qui est Picasso. Et elle parle pas de la voiture, même si ça marche aussi. Chrono. Bonjour. Bonjour. Ça va, mec? Mais oui, toi. Trop bien. Ça fait plaisir. Un livre. Un livre. Mixtape. Mixtape. Et un podcast, je crois, aussi. Ah oui, j'ai un podcast. Bah ouais. Oh oui. Ça s'appelle Dans le Tempo. C'est produit par Thoman. C'est avec mon frérot Salman Sahli. Et nous parlons de musique. Très bien. Trop bien. Voilà. Trop bien. Il dispose sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, voire très plus. Bien. Streamer au max, on peut dire ça aux gens. Streamer au max. Ouais, bah, apparemment, ça marche déjà pas mal. Au pire, non. Mais, mais si vous voulez, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Je préfère que vous écoutiez la mixtape. Oui. Qui arrive lourd, je crois. Ouais, ok. Qui arrive lourd, comme Jamin. Très bien. Patrick ? Moi, j'ai un livre qui s'appelle « En fait, c'était le plombier », qui est un peu sur un registre similaire, sauf qu'on est sur un autre corps de métier. Et sinon, donc, y a trois livres cette année. Donc, y a le livre de La Veillée qui est sorti en septembre. Donc, La Veillée, c'est un spectacle qu'on a lancé en 2015 avec Damien Maric, où les gens viennent sur scène pour raconter des histoires extraordinaires, personnelles. Et donc, le livre compile les 25 histoires les plus marquantes qu'on a eues dans le spectacle, et tous les bénéfices sont reversés au Secours Populaire. Ensuite, il y a deux livres qui sortent en novembre. Donc, il y a France Secrète, qui s'inscrit dans la série Secrète qui est sortie chez Dunod. Et donc, c'est consacré aux merveilles méconnues de l'Hexagone, et vraiment j'ai redécouvert le pays moi, en faisant les recherches. La fleur de Nice. Absolument, déjà. Elle est en couverture. Et donc le tome 5 de la BD Axolot qui sort le 10 novembre, voilà, avec moult illustrateurs comme à chaque fois. Boulet est dedans notamment. Et voilà, bon, il y a aussi la série des étranges escales qui est en cours de montage, là, dont je ne vais pas annoncer de date tout de suite, mais c'est en cours. Voilà, c'est à peu près tout. Oui, c'est pas mal déjà, tu sais. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci. Adrien, alors on peut le dire aussi pour les auditeurs, puisque hier on était à Avignon et on a fait un Floodcast raconte. Il y avait des gens au Floodcast raconte hier ? Oh ! Bon, ça va, c'était bien ? Voilà, oui, c'est pour les gênants qu'ils disent non. Mais... Très drôle. Franchement, très très drôle. Moi, ah, c'est gentil. Bah voilà, donc si vous écoutez ce podcast, normalement le Floodcast raconte arrivera dans deux semaines et c'est Adrien, toi, qui a pris en charge comme le premier tout le truc. Oui, tout à fait. L'écriture, même le sound design cette fois-ci, ouais. La musique, tout ça. Et, qu'on a fait avec Valentin, Vincent et Aude Gonigoubert. Voilà. Absolument. Et non, bah, sinon toujours la bonne auberge, à peu près tous les premiers dimanches du mois sur Twitch, du jeu de rôle en live. La série Hors de lui de Baptiste Lorbert, dans laquelle j'ai un petit rôle. La saison 2 de Derby Girl, qui va sortir un jour. Visitors de Simon Astier, dans lequel je joue aussi. Et voilà, La petite histoire de France, qui sortira dans longtemps, où je suis un Gaulois. Voilà, je suis, si vous voulez me voir... Oh, le Gaulois. Un Gaulois. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis voilà, et puis le Floodcast, jusqu'à 70 ans, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Et toi ? Et moi ? Non, mais moi, pareil, toujours, il y a Oli et l'Alien en librairie. Non, la vraie actu, c'est le spectacle de Baptiste Le Caplain, qu'on a écrit ensemble, qui s'intitule « Voir les gens », qu'il interprète. Et vous pouvez aller sur mon Instagram, j'ai mis toutes les dates, vous googlisez « Voir les gens », Baptiste Le Caplain. Il passe dans vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes. Il traverse la France avec ce spectacle, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est un spectacle qui lui ressemble beaucoup, mais mine de rien, c'est rigolo. En discutant, au final, j'ai mis un peu de monde, on s'est rendu compte qu'on avait deux, trois trucs similaires. Et si vous aimez l'énergie, la folie de Baptiste Le Caplain, elle est toujours là. Mais en même temps, je suis super fier parce que je trouve que c'est son spectacle le plus personnel. Et je le trouve même touchant. Mais là, je parle en tant que spectateur parce qu'en vrai, j'adore Baptiste Le Caplain. De toute façon, il viendra nous en parler dans le podcast où du coup, on parlera beaucoup moins fatalement. Mais il viendra. Et donc voilà, voir les gens de Baptiste Le Caplain partout en France. Et voilà, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à Frames. Merci au Festival de Frames. Vraiment, merci aux organisateurs. Qui travaille de ouf à chaque fois et voilà qui fait qu'on peut se mettre bien. Il y a Florian aussi qui a enregistré le podcast, merci beaucoup, qui aura sûrement un meilleur son que tout ce que j'ai fait depuis 7 ans. Et voilà, et merci à vous d'être venus nombreux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, comment je vais foutre, on va regarder avec mes copains. Je prends la moto, je vais chez les copains. On va regarder, tu rentres l'écran, on va prendre du bon temps. Petit pastis, petit stick, si l'arbitre nous met carton, nique sa mère l'arbitre. Tout ça ensemble, nique sa mère l'arbitre. Et ça fait allez, les bleus, on va gagner le foot à l'aide des pieds, ça va être super bien. On va marquer plus de points que l'adversaire. Yes. Et ça fait allez, les bleus, on va gagner le foot. Il suffit des points de plus que l'autre équipe. Et à la fin du match, nous serons vainqueurs. Yeah, yeah, yeah. On aura des actions, des ailes de pigeon, des ailiers, des amortis, peut-être de l'anti-jeu, des appels de balles, des appels croisés, des appuis, un arbitre, nique sa mère l'arbitre. Il y aura des corners, il y aura des passes, il y aura des touches, il y aura des contrôles, des surfaces de réparation. Et ça fait allez, les bleus, on va gagner le foot à l'aide des pieds, ça va être super bien. On va marquer plus de points que l'adversaire. Yes. Et ça fait allez, les bleus, on va gagner le foot. Il suffit des points de plus que l'autre équipe. Et à la fin du match, nous serons vainqueurs. Yeah, yeah, yeah. Et si nous nous y mettons tous ensemble, nous pourrons accéder à la victoire, car c'est bien de cela qu'il s'agit, tout simplement l'esprit d'équipe. Let's go. Et ça fait allez les bleus, on va gagner le foot à l'aide des pieds, ça va être super bien. On va marquer plus de points que l'adversaire. Yes. Et ça fait allez les bleus, on va gagner le foot. Il suffit des points de plus que l'autre équipe. Et à la fin du match, nous serons vainqueurs.